Beatrici Pasolini. Bueno, penso que ho entès tots aquests noms. El seu pare havia estat actor després d'aquests directors. Il n'y avait pas du tout le souci du star system à cette époque-là. I no estava gens interessat per l'Star System. On vivait comme on était. Vivíem com érem. Et nous avions, mon père tournait partenaire de Bernardo Bertolucci. Mon père a rodat partenaire de Bernardo Bertolucci. Donc nous vivions à Rome et nous avions, mon père louait la Villa Murat à Positano, qui est l'équivalent de Saint-Tropez en France. Vivíem a Roma i vivíem À Positano, c'était la Villa del Prince des Murat, qui est la famille de Napoléon, demi-famille in Corsica, quand même. Et tout ce qui s'est passé, c'est que mon père est passé les vacances là-bas, on travaillait tout le week-end. Et quand les événements et nous vivions avec Philippe Garrel, Frédéric Pardo, Tina Aumont, Nico, la reine du Velvet Underground, Viva l'égérie d'Andy Warhol. Nous vivions tous dans cette maison à Positano avant que ça devienne l'enfer de Cadaquès ou d'ailleurs. Abans que esdevingués un infern com Cadaqués o altres pobles de la costa, vivíem en aquesta zona. Nous avions trouvé un havre de paix où il n'y avait personne et tout le monde allait là-bas et on était tranquille. Era un territori molt calmat i tranquil. Donc, et après, mon père entrait à Rome pour tourner avec Bernardo Bertolucci, partenaire avec Tina Aumont. Et quand les événements de mai 68 se sont arrivés, mon père a dit à Bernardo, tous les week-ends, je rentre à Paris et je veux filmer les événements de 68 à Paris. I quan els esdeveniments del 68 van tenir lloc, el seu pare, Pierre Clementi, va dir a Bertolucci, me'n torno a París perquè vull filmar l'esdeveniment. Alors, ce qui se passait, c'est que Bernardo Bertolucci amenait mon père à l'aéroport et revenait le chercher le dimanche soir, comme un enfant à l'école. Com un pare que porta un nen a l'escola, el Bernardo Bertolucci va acompanyar el Pierre Clementi a l'aeroport i va dir, vinc a buscar un altre cop el diumenge. Et le paradoxe de ça, c'est que nous habitions à Saint-Germain-des-Prés. Mon père, il vivait il vivait une grande vie en Italie, mais à Paris, nous n'avions qu'une petite chambre pour ma mère, lui et moi, rue Cardinal, juste à Mabillon, là où c'est tout passé, où là, mon père arrivait avec sa caméra, 16 mm, et il filmait comme ça, tout. Il a filmé avec Godard dans la rue le même jour, ensemble, à Boulevard Saint-Michel, jusqu'à Censier. Ils ont fini au trou, avec des putes. I la paradoxa de tot això és que nosaltres, en realitat, el meu pare vivia una gran vida a Roma, però nosaltres vivíem a Sant Germà, al costat de Marillon, i amb la meva mare i amb mi, i van acabar-se trobant, filmant els esdeveniments amb Godard, i els dos junts van acabar a la presó amb les prostitutes. Bon, ça, on m'a dit de faire vite. Donc, simplement pour vous dire le film que vous allez voir, c'est pas le premier film reconnu par mon père, mais c'est celui qui sort d'Outre-Tombe. Mais c'est un film déjà abouti. C'est-à-dire qu'il a déjà filmé à Positano, mai 68. Mon père, il a travaillé comme un diario te le dire, un journal filmé. Donc, vous verrez Positano, mai 68. C'est pas voulu pour faire un film commercial, c'est filmé. Et le film, il est abouti sans vouloir faire du cinéma. Le cinéma s'est fait tout seul. Et ça, c'est le premier film qu'il n'a jamais vu, que j'ai récupéré. Il faut le voir. Pas de critique, c'est pas voulu. C'est une esquisse de tout ce qui est venu après. Voilà. Intento sintetitzar, perquè penso que la majoria ho han entès, perquè és una mica llarg per mi. No és la primera pel·lícula reconeguda del meu pare, però sí que és la primera pel·lícula que va rodar realment. El que passa és que ell no va fer amb la intenció de rodar una pel·lícula, sinó que va agafar la càmera i com un diari va filmar allò que veia. I és a posteriori que aquesta pel·lícula va esdevenir el que es va esdevenir un film. Per tant, no jutgeu, no critiqueu, enteneu-la com el que és. I jo vaig tenir el plaer de recuperar-la fa un temps. I última cosa, mes 68, no se puede mirar un color. Esta película es un color. Es très rare, très très rare de filmer 23 minutes et quelques minutes de mai 68 en couleur, ça n'existe pas. Et en 16 mm, encore moins. Donc c'est très rare et il faut le voir. És de les poques pel·lícules filmades al 68 amb 16 mil·límetres en color durant 23 minuts, cosa que és bastant excepcional, així que cal veure-la i bon film. Bon film. No, i esperem després per un col·loqui amb el Baltasar. I després parlem de tal. Hablemos. On parle.